Experiments. The only under the wreckage of the night. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Experiments sur UFM 106.9 pour la région de Mons ou UFM.be pour le reste du monde. Votre émission dédiée à la musique underground animée par Raoul Piuk et Nick Deck. Bonjour Nico. Bonjour. Et on est ravis de vous retrouver pour vous bombarder une nouvelle sélection de musique bien sauvage et bien déjantée. On vient d'attaquer en beauté avec Dope Body, leur morceau Beat, extrait de leur album Natural History sorti en 2012 sur le label Drag City, dont on aura l'occasion de vous passer d'autres artistes très bientôt. Alors Dope Body, c'est un groupe de noise rock originaire de Baltimore. Et juste avant ça, on s'écoutait l'anglais Steven Wilson avec son nouvel album solo Hand Cannot Erase, qui est sorti récemment chez K-Scope. L'extrait s'intitulait Home Invasion. Et cet album est, comme toujours avec Wilson, une perle de songwriting et de production. L'interprétation par son line-up de musiciens tous exceptionnels est aussi à tomber par terre. Et c'est accessoirement une expérience que je vous recommande chaudement en live, vu il y a quelques années à l'ancienne Belgique. Alors on va enchaîner tout de suite avec une sélection de Nico. Eh bien moi maintenant je vais passer à Tigran Amazian, un jeune pianiste arménien qui a plus ou moins 30 ans mais déjà 5-6 albums à son actif. Et voilà, en Arménie il n'y a pas que des intégristes qui peuvent nous faire peur, il y a aussi des musiciens intéressants avec donc le morceau The Grid sorti sur l'album Mokrout sur le label Nonesuch. Ah, on va s'écouter ça dans une seconde, mais avant j'aimerais préciser une chose. I have one simple request, and that is to have sharks with frickin' laser beams attached to their heads. ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا دلم ز سومه بگرفت و خرقه سالوس کجاست دیر مغان و شراب نام کجا چه نسبت از به رندی و صلاح تقوا را سماه بس کجا نغمه رباب کجا ز روی دوست دل دشمنان چه دریاد چراغ مرده کجا روشن گهر دین شما خاک آستان شماست کجا بریم بفرما از این جهان کجا نبین به سید زنخبان که چاه در راه است کجا همین روی ای دل بگی شتام کجا بشد یاد خوشش باد روزگار بسار خودم کرشم کجا رفت و آن کتاب کجا قرار خواب ز حافظ رحمت چه نسبت از بهندی و سلام تقوارا سمام و از کجا نمونی ربا کجا زروی دوست دل دشمنان چه دریاد چرا مرده کجا شب افتاد کجا چو کهل بینش ما خاک آستان شماست کجا رهیم بفرما از این جهان کجا مبینی سیب زنخدان چاه در راه است کجا همینی ای دل بدین شتاب کجا بشد که یاد خوشش باد روزگار بسار خودم کرشم کجا و آن اتحاد کجا قرار خواهز حافظ تمامن دوست قرار چیست صبوری کدام خواهد Voilà, nous écoutions donc Devichi avec le morceau Fragments of Hafiz, paru sur l'album Rituals sur le label Room 40 en septembre 2014. Et avant cela, Tigran Amazian avec le morceau The Grid sur l'album Mokrout, le label Nonesuch. Et maintenant, place à Raoul et à ta sélection. Ouais, on va s'enchaîner avec Valence Drex, que je salue au passage, un artiste londonien qui a sorti récemment un nouvel EP intitulé Fail with Honor and Succeed by Fraud chez Luana Records. Alors c'est un artiste qui a déjà fait d'autres releases chez des labels aussi prestigieux dans l'électronique underground américain que Schematic ou Detroit Underground, qui a déjà fait des remixes pour Richard Divine et autres grands noms de cette scène. Et c'est quelqu'un de très talentueux qui vaut la peine d'être suivi. Il apporte un vent de fraîcheur, je trouve, dans cette scène électronique, que ce soit au niveau de ses structures, que ses sons. Et juste après ça, ce sera Gazelle Twin, avec un extrait de son album Unflesh, qui a beaucoup fait parler de lui, notamment de par son imagerie scénique, que vous pourrez découvrir. On postera quelques images et vidéos sur la page de l'émission. Le morceau s'intitule Human Touch et c'est sorti chez Last Gang Records. Thank you. things, just feeling those other things, being certain inside her own mind. Vous êtes un rhétoricien redoutable, vous êtes un parfait crétin. Mais vous avez réussi à me perdre. Voilà, c'était Gazelle Twin. Qu'est-ce qu'on va s'écouter après ça, Nico ? Eh bien, une des dernières sorties de John Zorn, une de ses dernières multiples sorties, vu que ce musicien-là n'arrête jamais. Alors là, c'est le morceau Resurrection sur l'album The Last Judgment, toujours sur le label Zadig, en novembre 2014. Là-dessus, on retrouve donc Mike Patton au chant, Trevor Dunn à la basse, Jay Baron à la batterie et Wayne Horvitz au clavier. Et après cela, on s'écoutera un Ezekiel avec le morceau Lux, paru sur l'album Lux, sur le label Ici d'ailleurs, également en 2014. Oh yeah! Of skin. very much. Voilà, c'était Ezekiel. Nico, tu voulais corriger une légère erreur. Petite erreur, donc ce n'était pas Wayne Horvitz, mais John Medeski sur l'album de John Zorn à l'orgue. Ouais. Ok, alors on va enchaîner juste après avec deux morceaux bien puissants. Le premier est de Death Grips, s'intitule Why a Bitch Gotta Lie, et est un extrait de leur tout nouvel album The Powers That Be. Alors c'est déjà leur cinquième album en 4 ans, depuis Ex Militari, l'album avec lequel ils avaient fait surface en 2011 et pris tout le monde par surprise avec leur mélange complètement surpuissant et frais de hip-hop, de rock, d'électronique, de musique expérimentale en tout genre. C'est un groupe qui nous vient de Sacramento, qui est composé de Zach Hill à la batterie, de MC Ride à la voix et de Andy Marin aux machines et à la production. Et juste après ça, ce sera, une fois n'est pas coutume, un groupe de la région de Mons, Deep Show, avec un extrait de leur album qui vient de sortir, de Spleen King, leur premier album chez Spinal Records, après un premier EP éponyme en 2012. Ils reviennent, le morceau s'intitule 4961, et il s'agit d'un stoner rock bien lourd, bien puissant. On y reconnaît les influences de Louisiane, telles que des groupes tels que Down, etc. C'est parti, on s'écoute ça, Death Grips et ensuite Deep Show. What is gonna lie? What is gonna lie? What is gonna lie? What is gonna lie? What is gonna lie?

Voilà, c'était Deep Show, et nous remercions au passage Sergei Craven, le chanteur de Deep Show, qui est aussi celui qui a prêté sa voix au jingle de notre émission. No way! Voilà, Nico, qu'est-ce que tu nous as réservé? Eh bien, maintenant, The Heliocentrics et Melvin Van Peebles, avec le morceau Truth the Cosmos, Believe in the Universe, sorti sur l'album The Last Transmission, sur le label New Know Again Records en octobre 2014. Et avec ça, on va partir dans des univers un peu de free jazz, tels les 10 héritiers de Sun Ra Orchestra. Et après, on partira dans l'univers de Draumira Song Orchestra avec This Famous Somewhere, sorti sur la compile Ici Brief on Burning Flesh, Douche Froide, série volume 1, sorti en 2010. Je l'écoute, mon cher Michel Bouchetin. Trust the cosmos. Look at us. Yeah, believe the universe. That's right. Check the buttons, man. We're as happy as can be. My methane mom and me. We'll be right back. Experiment. Voilà, on écoutait donc Draomira Song Orchestra avec le morceau This Famous Somewhere. C'est un groupe français qui fait toutes des constructions de sons à partir de collages et d'instruments aussi qui fabriquent eux-mêmes certains. Et avant ça, on écoutait The Heliocentrics et Melvin Van Peebles. Ok. Donc maintenant, place à toi. Alors on va s'enchaîner de nouveau avec du gros son bien méchant. C'est Control, le projet solo de Thomas Garrison, un musicien basé à Santa Cruz. Il s'agit d'un extrait de son deuxième album sorti chez Anzen, après The Resistance. Celui-ci s'intitule Transgression, sorti en 2013. Et Thomas Garrison nous pratique un style baptisé Power Electronics, c'est-à-dire du noise rythmique avec des voix distordues. Juste après ça, on écoutera Passenger of Shit, le projet de Swift Trerick, un Australien qui pratique du breakcore aux thématiques souvent scato, gore et déjantées en tout genre. Le titre du morceau, je vous l'épargne, on ne prononce pas de tels mots à la radio. Et le titre de l'album, c'est sobrement Ten, puisqu'il s'agit de son 10e album. C'est parti, Control, puis Passenger of Shit. We'll be right back. Blueberry Man. Oh yeah! Voilà, c'était Passenger of Shit, Nickelback. Ah, bon, ça va, je prends la parole. Donc voilà, après maintenant, nous allons passer à Roger Turner et Tomoyoshi Hide. Donc Roger Turner, c'est un batteur anglais. Et Tomoyoshi Hide, comme le nom l'indique, est un guitariste, turntabliste japonais. On les trouve tous les deux également sur énormément de productions des musiques de films pour Tomoyoshi Hide et de la musique improvisée pour les deux. Alors c'est le morceau The Sign sorti sur le label The Last Train, sur l'album The Last Train, sur le label Fataka, ici en février 2015. Donc allez, on va lancer The Sign. Experiment. Thank you. Experiments. Voilà, nous écoutions donc Roger Turner et Otomo Yoshihide avec le morceau The Sign. Et concernant Otomo Yoshihide, nous allons passer à celui qui a été son professeur au début de sa carrière, c'est-à-dire Masayuki Takeyanagi, qui a commencé vers la fin des années 50 et qui est un peu un des pères fondateurs du free jazz japonais. Et alors ici, c'est avec le groupe Masayuki Takeyanagi, New Direction Unit, avec le morceau What Have We Given, sur un album qui est de circonstance, April is the Cruelest Month, sur le label April Disc, réédition sur Genia Disc en 2007. C'est parti! Thank you. Strange bastards need executing, Mr. Williamson. Your employment history looks quite impressive. I'm looking at 3 managerial positions you previously held with quite reputable companies. Isn't this something you'd like to go back to? Nah, I just end up fucking robbing the place. You got a till full of 20s looking at your day? Well, I'm either gonna fucking bank it, I've got drugs to take. And a mind to break. Job seeker, can a strongbow, I'm a mess. Desperately clutching on to a lifelong depression. Supplied to me by the NHS. It's anyone's guess how I got here. Anyone's guess how I'll go. I suck on a roll up, pull your jeans up. Fuck off, I'm going home, job seeker. Job seeker! Job seeker! Job seeker! Job seeker! Job seeker! Job seeker! Job seeker! Tribal. tribe, shaking rosaries and baby heads instead of crosses. Bad inflating karma, shake your earth as birth to blacken. Human beings flooding past us with extended sleeping. All my land is fucking death, now home is over yonder. I have your back if you was at the point of war and blacken. A wooden ceiling is your carpet and it's static traffic. I keep my arrows well inflated to protect my tribe. We all alive, I am alive and walking tough as fuck. I am the foster of all roots and through with writing. I've been through lashes of even monster, respect my breathing. And now your head in the dark cloud and rain is slapping. This is why I'm well debated, but I'm very resistant. And this is why I'm so distracted, can't attack it. Cause the bodies around me are losing seven acid. So relax, it's not that bad, my block is black, so it's rock. Black and flat is holding posture, sad and fast in a shot. Fuck. Tribe, boss. God makers, fucking tribal, no weapons, no horror, no. Ancestors bleeding out my back, bathing me in karma, gone black, spilling every blood on me. Before I had to cut to you, I cut to you, and then my baby went to burn me. I sucked in the spiders dangling in a pitch dark desert, and remembered that my life was always fucked. Vomit and bleeding aside. Bad black with some gothic polish and clowning to rot. Slip a disc in this horror flick and bitch to your death. Smell the bodies trying to rip you down, earth and the negative space, a lace trip. A happy down and black ball from the trees, making big leaves small. Look at me, about to peace into the 20 after. Cutting you by fanging at the grip and airing out your tweeters. All over small shit, non-return emails, stolen sound bites, and an itch to really end y'all. Y'all get money, monster gets garnished. Monster gone tribal boss static. Tribal boss static. Tribal boss static. Tribal boss static. Tribal boss static. Voilà, c'était Moody Black avec leur morceau Tribal Cross Static, extrait de leur EP éponyme sorti en 2013, qui avait d'abord paru sous le label Fake 4 Incorporated, puis réédité indépendamment avec deux morceaux bonus, disponibles gratuitement sur la page Bandcamp du groupe. Alors il s'agit, comme vous avez pu l'entendre, d'un groupe de noise rap originaire de Los Angeles, et que vous pourrez avoir l'occasion de voir en concert en Belgique en mai. Ils feront deux dates en première partie des légendaires Dalek, le 3 mai à Bruxelles au VK et le 5 mai à Courtrai au De Kroon. Juste avant ça, on s'écoutait Sleaford Mods avec le morceau Job Seeker. Sleaford Mods sont un duo Voix et Machine, originaire non pas de Sleaford, mais de Nottingham. Et ce morceau est issu en fait d'une collection de singles, intitulée Chop the Plus, sorti en 2014 sous IPCAC, le label de Mike Patton. Nico, tu as deux derniers morceaux à nous faire partager aujourd'hui. Oui, donc Orchestra Omar, qui est un groupe libanais, avec le morceau Action Cut. Donc c'est un groupe qui est conçu autour de 6 guitaristes et un bassiste. La 6 guitaristes, on retrouve Sam Chalabi, guitariste, joueur de oud, très productif, qu'on peut retrouver sur de multiples productions. Et c'est sorti sur le label Sagittarius A Star, un label italien, ici dernièrement, en 2015. Donc voilà, action. No way! We'll be right back. Nous écoutions donc maintenant Jessica Pavone avec le morceau Salute Flying sur l'album Knuckle Unders sur le label Taiga Records, et c'est sorti ici en octobre 2014, et ça a été masterisé par le prodigieux, talentueux, très productif James Plotkin. Et avant ça, on écoutait Orchestra Omar avec le morceau Action Cut. Place à toi, Raoul. Ok, merci Nico pour ta nouvelle sélection. On arrive doucement à la fin de cette émission et on va clôturer en beauté avec un morceau de Secret Chiefs 3, le groupe de Tris Prince, ex-Mr. Bungle, entouré d'un line-up variable et très variable aussi au niveau du son et des influences. On y retrouve de la musique de films de Bollywood, des musiques traditionnelles du Moyen-Orient, des éléments de metal, de drum and bass, et j'en passe. Et ce morceau-ci est une reprise de la chanson de Jackie de Jacques Brel, qui est ici interprétée par Katy Pierce et Mike Patton à la voix. Et il s'agit en fait d'un mélange du texte français d'origine et de la traduction de Mort Schumann en anglais, qui avait été à l'origine destinée à Scott Walker. C'est parti, on s'écoute ça. Merci à tous de nous avoir suivis dans Experiments sur UFM. Dans quelques instants, vous allez pouvoir retrouver Balou et son équipe pour leur émission Radioactivity. Et nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain, le deuxième dimanche, comme d'habitude, à 16h. Au revoir à tous. Salut. And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I bought from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. Would be Antonio, and all my bridges I would burn, and when I gave them some they'd know, I'd expect something richer. I'd have to get drunk every night and talk about formality with some old grandmother who might be decked out like a Christmas tree. Pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be, still I would sing my song to me about the time they called me Jackie. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, cute, cute, in a stupid-ass way. And if I joined the social world, became procurer of young girls, and I would have my own bordellos, my record would be number one, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Handsome Jack, and I'd sell boats of opium, whiskey that came from Twickenham, authentic queers and funny virgins. If I had banks on every finger, finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I'd want to be. Surrounded by some Chinamen, I'd sing the song that I sang then. C'est le don, où je m'appelle Jackie. Et entre une heure, mon air seulement. Et entre une heure, mon air quelquefois. Et entre une heure, mon air qui n'est tout bon. Boy, quand à la fois. Même si on joue à Paris, je vais donc congeler les surprises. Chante aux femmes à blanche. Si je chante Alléluia, j'aurai dans les temps en bas, je parle tout le jour de bas. UFM sur le 106.9. Il est 18h. UFM à Mons sur le 106.9.